Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour bien finir cette semaine, Nicole Bacharan est cet après-midi l'invitée de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours une joie de recevoir Nicole. Il y a 2 ans, elle publiait avec Dominique Simonet un ouvrage intitulé « First Ladies à la conquête de la Maison Blanche ». Eh bien, c'est une des premières dames américaines que nous allons évoquer avec elle, Jackie Kennedy, une icône de la fin du XXe siècle. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous fera visiter quelques grands hôtels naguère fréquentés par Jackie Kennedy. Oui, et quant à moi, je vous ferai part de mon coup de cœur pour un livre qui raconte la fascinante histoire de Carthage. Mais tout de suite, direction Dallas. Un certain 22 novembre 1963, vous me voyez venir, Jacqueline Kennedy est sur le point de traverser la plus grosse épreuve de sa vie. Tout le monde connaît ce nom Air Force One, c'est celui de l'avion officiel du président des États-Unis. On a vu ça dans toutes sortes de films, catastrophes ou à grand suspense. Il est 11h40 lorsque ce 22 novembre 1963, midi moins 20 si vous préférez, quand les Kennedy descendent donc de cet avion célèbre, ils sont accueillis par le vice-président Lyndon Johnson et par son épouse Lady Bird. Le gouverneur du Texas est également là, John Connolly, il est accompagné de son épouse Nellie, c'est bien la moindre des choses puisque c'est le président des États-Unis et son épouse qu'on accueille. Jacqueline porte un fameux, je dis fameux, il va devenir célébrissime tailleur rose. C'est une copie d'un tailleur Chanel, copie autorisée, ai-je besoin de préciser. Elle fait sensation, Jackie, mais où qu'elle se présente, du reste, elle fait sensation. On lui tente un immense bouquet de roses rouges qui l'encombre un peu et qu'elle va vite confier à un assistant. Entre parenthèses, elle a été très surprise qu'on lui offre ces roses rouges puisque le protocole veut normalement qu'on offre à une épouse de chef d'État des roses soit roses pâles, soit jaunes. Pas du tout rouge, que normalement c'est une déclaration d'amour, elle y voit plutôt un mauvais présage. Elle a comme une sorte de pressentiment depuis la veille déjà. L'accueil n'en est pas moins enthousiaste à l'aéroport. Seuls quelques lycéens sont là pour siffler le président, mais on est aux États-Unis, ça fait partie du folklore. D'ailleurs, le cortège n'entend pas les sifflets. Et on peut dire qu'à tout juste un an de l'élection présidentielle de 64, cette visite est une visite non pas seulement officielle, mais carrément politique. C'est une visite indispensable pour JFK qui sait que sa cote de popularité ne va pas bien. Elle est notamment en chute libre dans le sud des États-Unis. Ai-je besoin de vous rappeler que Kennedy est un démocrate et que le sud compte beaucoup pour lui. Kennedy n'est donc pas tout à fait en terrain conquis. Le matin même, des tracts avec la photo du président et l'inscription « Recherché pour trahison » ont circulé dans la ville. Les 28 agents des services de sécurité qui ont été déployés sur le parcours sont évidemment sur les dents. Il est midi moins 5 quand le cortège quitte l'aéroport. Jacqueline et son époux sont donc à l'arrière de la limousine, fameuse limousine décapotable. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. On a tellement parlé, vous vous rappelez, hein, il y a... combien ? 5 ans maintenant, au moment du cinquantenaire de la mort de Kennedy, nous sommes revenus sur tous ces détails. Le couple Connolly est assis sur les sièges du milieu, tandis que le chauffeur et un agent des services de sécurité se trouvent à l'avant du véhicule. Derrière la limousine présidentielle, il y a une Cadillac noire, avec à son bord 8 agents des services secrets, 4 à l'intérieur et 4 sur les marchepieds. Le cortège ne roule qu'à 15 km/h, d'abord parce qu'il y a beaucoup de virages, ensuite parce que c'est un président qu'on transporte, donc on va pas. Il faut que ça ait un peu de noblesse quand même, et puis il faut que la foule puisse le voir. À midi et demi, à l'approche du Daily Plaza, c'est la stupeur, une détonation retentit. Le gouverneur Connolly est touché, on l'entend hurler de douleur. Au même moment, Jackie se tourne vers son mari et lui porte ses mains à sa gorge sans dire un mot. La première balle l'a en fait atteint à la nuque pour ressortir par la gorge et toucher John Connolly. Un deuxième tir se fait entendre. Alors là, c'est le garde du corps qui est le plus près de la présidente, il s'appelle Clint Hill, qui saute du marchepied de la Cadillac et qui court vers la limousine quand éclate le troisième tir qu'il décrit comme le son d'un melon se fracassant sur du ciment, vous imaginez. Une partie du cerveau du président vient littéralement d'exploser et on a des fragments qui ont été projetés tout autour. Sous le choc, Jackie se hisse littéralement sur la malle arrière, pas pour s'échapper comme l'ont bêtement dit certains journalistes, mais pour essayer de récupérer un morceau de ce qu'elle a vu voler, qui est en fait un morceau du cerveau de son mari, vous imaginez. Clint Hill hurle à la présidente de retourner à sa place. Il se jette littéralement sur le couple présidentiel pour les protéger. Il est midi 38 à ce moment-là. La limousine atteint, alors on a accéléré hein, bien sûr, le Parkland Memorial Hospital. Et le gouverneur Connolly a déjà été placé sur une civière. Jackie est prostrée sur son mari. Elle refuse de le laisser au moment où on voudrait bien sûr le transporter au service d'urgence. La raison de cette attitude, c'est qu'elle ne veut pas que les gens le voient dans l'état où il est. Elle veut tout simplement protéger son image. Clint Hill a tout de suite compris la situation. Sans un mot, il va couvrir le visage du président de sa veste. Et c'est à ce moment-là que la première dame accepte de lâcher prise. Elle se rend une première fois dans la salle d'opération où se trouve son mari, elle en ressort tétanisée, s'assoit sur une chaise pliante, le regard complètement dans le vide. Elle décide finalement d'y retourner, mais cette fois-ci, une infirmière lui barre la route, un médecin va lui proposer un sédatif qu'elle refuse, et elle va dire d'une voix très calme, et tous ceux qui étaient là à ce moment-là répéteront cela à l'envi, elle veut dire « je veux être là quand il mourra ». Finalement, on la laisse passer et elle est là qui prie aux côtés du président. Elle est toujours en prière lorsqu'est constaté le décès à 13 heures. Elle va glisser son anneau de mariage au doigt de son époux et quitter la salle lorsque arrive déjà le cercueil de bronze prévu pour emporter la dépouille du président. Pendant ce temps-là, le vice-président, lui, a regagné Air Force One. Alors il fait appeler la première dame et elle répond toujours très calme. Dites au vice-président que je n'irai nulle part sans le président. Et finalement, elle ira quand même le rejoindre à bord d'un corbillard emportant la dépouille de John Fitzgerald Kennedy. Il est 3h20 lorsque Johnson prête serment sur la Bible noire de JFK à bord d'Air Force One. On a tous vu cette image hein, du vice-président Johnson en train de prêter serment dans la foule et dans l'affolement au milieu de l'appareil, au milieu de l'avion. Il s'agissait bien sûr de faire en sorte qu'il y ait une sorte de continuité de la présidence et d'ailleurs il fallait que Jacqueline soit présente, l'unique photographie qui existe, hein, dont je vous parlais, la montre, elle est les yeux dans le vide, elle est là au deuxième plan et elle a toujours sur elle ce fameux tailleur tout maculé du sang de son mari. À peine Air Force One s'est-il posé à Washington que le beau-frère de Jacqueline, Bobby Kennedy, l'a rejoint dans le fond de l'appareil. Sans un mot pour le nouveau président Johnson, qui va d'ailleurs se montrer furieux, la veuve et le frère de JFK tombent dans les bras l'un de l'autre. On peut dire que ces deux-là se comprennent, ils ont vécu ensemble cette présidence et tout le reste. Jacqueline refuse toujours de changer de vêtements pour sa sortie de l'avion. Et à ceux qui voudraient quand même insister un peu, qu'ils l'interpellent à ce sujet, la première dame ou celle qui l'était encore il y a quelques minutes répond « Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait à mon mari. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes jusqu'à 15h au cœur de l'histoire de Jacqueline Kennedy. Elle vient de perdre son époux. Hein. On a revécu ce 22 novembre 1963 avec vous, Franck Ferrand. Comment la nouvelle de la mort de JFK est perçue à l'international ? C'était l'événement, j'allais dire du mois, pour ne pas dire de l'année, et de la décennie. Vous imaginez la stupeur qui a saisi autant les chefs d'État que tous les anonymes. Hein. Télévision, radio ont interrompu leur programme dans le monde entier, notamment dans ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. N'oubliez pas qu'on est en pleine guerre froide. On peut dire de John Fitzgerald Kennedy qu'il avait révolutionné son époque. D'abord, il était très jeune, hein, born in this century, comme il disait. Il était né au XXe siècle et puis il était le premier président catholique des États-Unis avec un franc-parler étonnant, etc. Les matins des 23 et 24 novembre, le recueillement est de mise. Deux messes sont célébrées à la Maison Blanche, réservées à la famille et aux employés. Et à l'issue de la seconde messe, Jackie va couper une mèche de cheveux de son mari et déposer une lettre dans le cercueil. Et puis après cela, eh bien, c'est le moment de fermer le cercueil. Il est 1h moins le quart. Ensuite, la bière est transférée vers le Capitole pour être exposée au public jusqu'aux funérailles officielles qui doivent avoir lieu le lendemain. Et on peut dire que malgré le peu de temps, parce que ça laisse quoi, 24 heures, quelques 250 000 personnes vont défiler devant la dépouille de Kennedy. Depuis son retour à Washington, l'ex-présidente n'a pas dormi. Elle a fait ressortir tous les plans d'obsèques qui avaient été organisés pour Abraham Lincoln, symbole très important. Et nous allons y revenir avec Nicole Bacharan. Ses obsèques datant de 1865. Elle veut s'inspirer des obsèques de Lincoln et elle a bien l'intention de tout organiser, préparer la cérémonie dans son aspect intime, mais aussi dans sa dimension protocolaire. Pour les télévisions du monde entier, rien ne sera laissé au hasard. Et le lundi 25 novembre, à 9h du matin, c'est le début au Capitole de la célèbre cérémonie d'hommage à Kennedy. Nous avons tous ces images à l'esprit, bien entendu, et notamment Jackie qui arrive avec son fils, avec ce petit garçon sur les très frêles épaules duquel le monde entier a les yeux rivés. Elle s'agenouille, Jacqueline, pour embrasser une dernière fois le cercueil de son mari. Et puis, elle va regagner la Maison Blanche parce que c'est de là que part la marche funèbre de 2 kilomètres jusqu'à l'église Saint-Matthews. Jackie marche en tête du cortège. Il faut que vous la revoyiez. Alors là, il n'est plus question de tailleur rose, bien entendu. Elle est en deuil et elle porte un long voile noir qui cache son visage ou qu'il cache suffisamment pour que les journalistes s'escriment littéralement sur ce visage de deuil. 62 chefs d'État, près de 200 dignitaires étrangers sont derrière Madame Kennedy. 1 million de personnes vont se masser le long du parcours. Et une fois tout cela terminé, Jacqueline va souffler à son fils qui donc a 3 ans, le petit John, elle va lui dire d'aller saluer le cercueil de son père qui passe devant eux. Et alors là, le crépitement des flashs devient tout simplement un tonnerre. Le cercueil ensuite gagne le cimetière national d'Arlington. Jacqueline allume une flamme sur la tombe de son époux, flamme qu'il faudra constamment entretenir, flamme éternelle. 21 coups de canon sont tirés. Entre parenthèses, normalement pour des obsèques nationales, c'est 101 coups, mais il y a une réforme du protocole depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un petit détail. Le clairon va sonner, c'est la sonnerie aux morts, bien entendu. Ce jour-là, Jacqueline est allée, on peut le dire, jusqu'au bout du calvaire. Elle n'a rien montré. Seul le général de Gaulle va mettre en doute la sincérité de la première dame puisqu'il la qualifiera de veuve d'un jour. C'est étonnant d'ailleurs l'incroyable malentendu et inimitié, on peut dire, entre le général de Gaulle et Jackie Kennedy. Ça date de la visite officielle à Paris. Ça aussi, on en reparlera. Le 6 décembre 63, Madame Kennedy va quitter définitivement la Maison Blanche. Évidemment que les Johnson ne l'ont pas chassée hors de chez elle, ils lui ont laissé un petit peu de temps pour se retourner. Elle emménage dans une maison de ville à Washington, solution temporaire, puisque très vite ça devient un lieu de tourisme. On a même des cars qui viennent s'installer, qui s'arrêtent pour que les gens puissent prendre des photos. Bref, ça fait des attroupements, etc. Jacqueline a du mal, évidemment, à se remettre de tous ces événements, la mort de son mari, la fin d'une vie à laquelle elle s'était habituée, etc. Elle est en dépression maintenant, il faut le dire, et elle va se réfugier dans l'alcool. Il est difficile pour elle de rester à Washington une fois quittée la Maison Blanche. Deux choses vont l'aider à tenir au quotidien. D'abord l'éducation de ses enfants et puis la préservation et l'entretien de l'image de son époux. Avec son beau-frère, avec Bobby à ses côtés, elle va visionner durant des heures et des heures toutes les archives qui retracent les quelques 1 000 journées, 1 003 jours exactement, passées par Kennedy à la Maison Blanche. Et ils vont faire le tri, ils vont censurer certaines images, ils vont en exhumer d'autres et tenter de bâtir la légende, si vous voulez. On va idéaliser cette image de John Fitzgerald Kennedy. Dans une entrevue qu'elle accorde au magazine Life, on est une semaine seulement après l'assassinat, Jackie compare la présidence de son époux à l'épopée de Camelot. Elle veut vraiment entrer comme ça dans la légende. Vous voyez, elle refuse systématiquement les diverses invitations de la Maison Blanche, comme s'il y avait une véritable inimitié envers Johnson. Ça paraît même assez net. Il faut dire aussi qu'elle n'a peut-être pas envie de revenir en tant qu'invitée. Courant juillet 64, elle quitte donc définitivement Washington pour New York et elle habitera désormais un grand appartement sur la 5e avenue, pas très original, ce 14 pièces en enfilade sur la 5e avenue. revenue. Elle restera là pendant 30 ans et c'est à ce moment-là qu'elle renoue un peu avec la vie et on commence à ragoter, bien sûr. Mais vous savez, on dit qu'elle sortirait avec Marlon Brando. Mmh. On parle aussi de liaison avec son propre beau-frère, avec Bobby. Si l'on en croit Régine Torrent, c'est leur souffrance à tous les deux qui les a rapprochés. Jusqu'à quel point est-ce que cette souffrance les a rapprochés? Autant vous dire qu'on ne le saura jamais. Un prétendant se détache du lot, parce qu'il y en a des prétendants pour épouser celle qui est devenue la femme la plus convoitée du monde, d'une certaine manière. C'est sans doute l'homme le plus riche, en tout cas l'un des plus riches du monde, l'armateur grec Onassis, Aristote Onassis, qui se détache. Ils se connaissent tous les deux depuis septembre 63 seulement. Jacqueline l'avait même invité à séjourner à la Maison Blanche au moment des funérailles de John. Et Onassis est pour elle une sorte de protecteur. Il se pose d'emblée en figure paternelle. Jacqueline est l'archétype de la femme dépendante de son mari. On pourrait presque parler dans cette période-là d'une femme enfant sous l'aile de son papa protecteur, hein, d'une certaine façon. La promesse d'une richesse illimitée résonne comme une sécurité pour elle, qui par ailleurs a toujours peur de manquer, et ça depuis le jour où son père a quitté sa mère et a dilapidé la fortune familiale. Donc elle va finir par accepter la demande en mariage d'Onassis en mai 68, et elle lui fait promettre de garder le projet jusqu'à la présidentielle de 68, parce que n'oubliez pas que Bobby Kennedy est candidat à cette présidentielle. Or, le 5 juin 68, nouveau drame, et ça aussi nous en avons parlé, c'est au tour de Robert Kennedy d'être assassiné, alors qu'il vient tout juste de remporter les primaires de Californie. C'est Jacqueline qui, au nom de la famille, va demander au médecin de débrancher le respirateur artificiel. Il était depuis un certain temps en état de mort cérébrale, et à ses proches, elle confie: je hais ce pays, je déteste l'Amérique. S'ils ont décidé de tuer les Kennedy, mes enfants sont les premières cibles. Je veux quitter ce pays. Elle a toujours eu plus qu'un franc-parler. Ça aussi, nous allons y revenir. Le 20 octobre 68, le mariage de Jacqueline et d'Aristote est célébré en petit comité, hein, dans la chapelle blanche, chapelle grecque de la petite île de Scorpios, île qui appartient tout simplement au milliardaire. L'ambiance, évidemment, n'est pas aux grandes réjouissances. En plus, il pleut des cordes, bien qu'on soit dans cette île grecque. Les enfants des deux mariés font chacun de son côté grise mine. Et ce jour-là, Jacqueline Kennedy, on peut le dire, en devenant Madame Onassis et en devenant Madame Onassis, somme toute relativement peu de temps après la mort du président, Jacqueline Kennedy a surpris le monde entier. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jackie Kennedy Onassis cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions à Franck Ferrand et son invité Nicole Bacharan. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jackie Kennedy Onassis, puisqu'elle vient de se marier avec Aristote Onassis. Une nouvelle alliance qui a surpris le monde entier, Franck. Hein. Et choqué certains, c'est Truman Capote qui avait qualifié Jackie Kennedy de geisha américaine, ouais, il avait fait. Dit, c'était pas très... C'est sympa. Et Coco Chanel a déclaré: on ne peut pas demander à une femme un peu vulgaire de passer le reste de sa vie à pleurer un mari. C'est sympa, oui, aussi. Oui, ouais, c'était pas mal non plus. Alors, il semble pourtant que ce mariage, dans un premier temps en tout cas, ait été un mariage heureux. Chacun y a trouvé son compte, d'une certaine manière. Vous imaginez, pour Onassis, pour cet Aristote Onassis qui n'aura jamais aimé que le glamour, le prestige, qui avait une fascination pour tout cela. Rappelez-vous son implication dans le mariage du prince Rainier et de Grace Kelly, devenue la princesse Grace de Monaco. Eh bien, pour lui, c'est assez étonnant de mettre la main, si je puis dire, sur une des femmes les plus connues, les plus glamour de la planète. Quant à Jacqueline, le moins qu'on puisse dire est qu'elle sait qu'elle est totalement à l'abri de toute question financière. Ça aide quand même, qu'est-ce que vous voulez. Et il y a, au-delà, bon, là je souris, je suis peut-être d'ailleurs moi-même pas très gentil, mais il y a au-delà de tout ça une véritable fascination réciproque, même si ça ne suffit pas et même si peu à peu on va voir entre eux se creuser un fossé. Onassis a de plus en plus de mal à supporter le caractère tellement indépendant de Jacqueline, qui était imprévisible. Je crois que s'il y a un adjectif qui lui convient, elle n'était jamais là où on l'attendait. Et lui qui jusqu'alors n'avait fréquenté que des femmes dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient dociles, selon un schéma somme toute assez méditerranéen, vous imaginez sa difficulté à admettre ça. Quant à Jacqueline, elle n'a jamais réussi à se faire aux manières assez grossières d'Onassis. Elle pensait, si vous voulez, qu'elle le polirait, qu'elle le polisserait, qu'elle arriverait à en faire un homme du monde. Bon, pas du tout. Onassis, par ailleurs, est en train de renouer plus ou moins discrètement avec celle qu'il aime par ailleurs, la célèbre, la radieuse et la brillantissime Maria Callas, hein, la grande chanteuse d'opéra. Et le 21 mars 70, Onassis est carrément photographié en train de dîner avec Maria Callas chez Maxim's. Alors, ils ne font que dîner, vous me direz, mais c'est une humiliation pour Jacqueline qui s'envole dès le lendemain pour Paris, qui exige de retourner avec Onassis chez Maxim's pour que soit prise exactement la même photo. Ça me rappelle un petit caprice qu'elle avait fait quelques années plus tôt, lorsque le général de Gaulle avait reçu le roi et la reine des Belges, le roi Baudouin et la reine Fabiola, à Versailles, dans la Galerie des Glaces. C'était la première fois que ça avait lieu. Eh bien, elle avait exigé, lors de la visite d'État, qui avait lieu deux ou trois semaines plus tard, de bénéficier de la même chose. Et elle s'était fait photographier exactement comme la reine des Belges, au même endroit. Il y a ce besoin, vous voyez, de... Peut-être pour ça que le général de Gaulle avait un petit peu de mal avec Jacqueline Kennedy. Peut-être aussi, pourquoi pas. Le 22 janvier 73, son beau-fils Alexandre va se tuer dans un accident d'avion. Et alors là, ça c'est le drame. Vous savez, les couples un petit peu difficiles résistent difficilement, évidemment, au grand drame. Aristote est inconsolable. Et Jacqueline, au loin d'être son soutien, va devenir en vérité son bouc émissaire. Et il boit, il ne cesse de la maltraiter en public, allant quasiment jusqu'à l'insulte. Et elle, devant tout ça, reste de marbre. Le monde dans lequel elle vit n'a rien à voir avec celui qu'elle attendait, nous dit Régine Torrent. Et c'est vrai que Onassis n'est pas le compagnon des rêves de la dame. Il est atteint par une maladie dégénérative, par ailleurs, maladie très rare. Il envisage de divorcer au moment où il meurt, le 15 mars 1975. Elle est à New York au moment où lui meurt. Il meurt à Paris, à l'hôpital américain. Alors après négociation, elle va quand même obtenir 26 millions de dollars de la succession. Pour la première fois de sa vie, à 45 ans, on peut dire qu'elle est elle-même à l'abri du besoin et sans avoir à s'appuyer sur quiconque. Elle est indépendante financièrement. En septembre de la même année, elle va devenir éditrice chez Viking Press. Elle met son invraisemblable réseau relationnel au service de la maison d'édition. Ça fait femme moderne, qu'est-ce que vous voulez, en 75, elle s'assume, comme on dirait. Elle va s'investir dans la vie culturelle new-yorkaise et grâce à son influence, on la verra sauver par exemple la gare de Grand Central qui était menacée de destruction et qu'elle va sauver, j'allais dire personnellement. C'est à cette époque que va commencer une liaison avec le dernier homme de sa vie, qui s'appelle Maurice Templesman, qui est un riche diamantaire. Je vous aurais dit que c'était un SDF, vous ne m'auriez pas cru de toute façon. Elle le connaît lui-même depuis 20 ans, seul hic, il est marié, Maurice, et ça ne va pas les empêcher de poursuivre cette liaison. Et les dernières années de la vie de Jacqueline sont des années, somme toute, relativement paisibles. Elle devient grand-mère à la fin des années 80. Et puis à la fin de 1993, elle apprend qu'elle souffre d'un cancer, sauf que le cancer est pris trop tard, il est déjà à un stade avancé. Elle va rédiger son testament et à ses enfants, elle conseille ceci: « Vendez tout, vous serez riche ». Le 19 mai 1994, à 10h15 du soir, Jacqueline Kennedy Onassis va donc décéder à New York. Elle est âgée seulement de 64 ans, je me rappelle très bien la nouvelle de sa mort. Et pour tout vous dire, c'était un événement et en même temps ça n'en était pas. Rappelez-vous ce qu'avait dit Talleyrand au moment où on avait appris à Sainte-Hélène la mort de Napoléon. Il avait dit « ça n'est plus un événement, ça n'est jamais qu'une nouvelle ». Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour Franck. Personnage qui a fasciné la planète. Alors d'abord les photographes, disons-le. C'est sans doute la femme qui aura été le plus photographiée avec Marilyn Monroe au XXe siècle. Oui, absolument. Et ensuite on peut citer certainement Lady Diana. Lady Diana voilà, et la reine Elisabeth, admettons. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là. C'était la princesse de l'Amérique. Et c'était certainement la princesse de l'Amérique que Onassis, dont vous parliez, a voulu épouser. Ils ont chacun épousé, en fait, une image. Avec des origines françaises qui n'étaient pas pour rien dans l'affection particulière qu'une partie du public en France lui vouait. Oui, c'est vrai que, bon, elle s'appelait d'abord, quand elle est née, le nom de son père, Jacqueline Bouvier, fille de Jacques Bouvier. Elle parlait très bien le français, elle aimait beaucoup la France. Elle a passé un peu plus d'une année d'études à la sortie Sorbonne, à Sciences Po et à l'école du Louvre, où elle a poursuivi vraiment ce qui l'a intéressé toute sa vie, les arts, la littérature, l'écriture. Et c'est vrai que vous parliez de cette inimitié profonde avec le général de Gaulle. Au début, c'était bien parti, oui. Pourrait-on dire. Cette première visite, cette unique visite d'ailleurs officielle à Paris, elle avait charmé de Gaulle, notamment par sa connaissance du français et de l'histoire de France. Les problèmes sont devenus en fait plutôt politiques entre eux par la suite. Oui, et puis peut-être que le général de Gaulle n'aimait pas la concurrence en quelque sorte qu'elle lui avait faite lors de la fameuse visite officielle, parce que tout le monde n'avait Dieu que pour elle, et on a senti à plusieurs reprises que le général était assez agacé. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h sur Europe 1, au cœur de la vie de Jacqueline Bouvier, devenue Jacqueline Kennedy Onassis. Avec votre invité, nous allons plus loin et nous allons apprendre à mieux la découvrir. Vous recevez l'historienne spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan, qui est aussi l'auteur de First Lady à la conquête de la Maison Blanche, un livre coécrit avec Dominique Simonet et paru chez Perrin. Et nous, notre auteur pour ce récit d'aujourd'hui, c'était Tom Lévy, notre stagiaire, Tom Lévy, qui a écrit son premier texte de radio. Et je tenais à ce qu'il commence par l'assassinat du président, et notamment cette scène terrible où on voit la première dame en train de marcher, elle est à quatre pattes sur la malle arrière de la limousine, en train de ramasser des bribes de crâne en fait. Absolument, et c'est vrai que vous l'avez évoqué longuement, bon, c'est une femme compliquée, qui ne s'est jamais confiée, dont on ne peut que supposer au fond ce qu'ont été les sentiments, les motivations. On sait qu'elle aimait l'argent, on sait qu'elle contrôlait son image et celle de son mari et de la présidence avec une main de fer. Et en même temps, là, je trouve que c'est le moment où humainement, on peut tous totalement s'identifier à elle. Mais je veux dire, quels que soient les choix qu'elle ait fait par la suite, on a peine à imaginer ce que ça peut représenter d'avoir la tête de l'homme qui est son compagnon exploser sur elle, mourir sur ses genoux et se retrouver effectivement dans la panique du moment où on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe, à ramasser des morceaux d'os et des morceaux de cerveau. Puis, elle a 34 ans, hein. C'est une très jeune femme. C'est une très jeune femme qui dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'a pas été tellement préparée à ce genre de circonstances qui sont pires que un cas de guerre. Là. Absolument. Et dans les jours qui suivent, c'est, j'allais dire, l'extrême inverse, c'est-à-dire la cérémonie, le silence glaçant, les yeux du monde entier rivés sur elle. Il faut qu'elle se montre digne, qu'elle soit présidentielle pour deux, si l'on peut dire. Oui, et elle tient le coup et elle organise tout. C'est vrai que vous évoquiez très justement le protocole qui avait été utilisé pour l'assassinat d'Abraham Lincoln. Oui. Elle s'en est beaucoup inspirée, déjà mettant en parallèle, au fond, la libération des esclaves par Abraham Lincoln et la loi sur la déségrégation, donc la première grande loi sur les droits civiques, préparée, pas encore votée, par John Kennedy. Et c'est ce qui a donné aussi ces images inoubliable, où l'on voit le cercueil du président qui a été placé sur une pièce d'artillerie, sur un socle d'artillerie, donc un engin militaire tiré par 6 chevaux blancs. Et derrière, moi ça me fait toujours pleurer quand on en parle, un cheval noir avec sa selle et les étriers et les bottes et pas de cavalier. C'est ce qui avait été fait aussi pour Abraham Lincoln. Et puis derrière, cette veuve qui, c'est très injuste de la part du général de Gaulle de dire veuve d'un jour, cette jeune femme très belle, très triste, avec qui tient ses petits-enfants par la main, et tout près d'elle, effectivement, Bob Kennedy. Et il n'y a aucun doute, en tout cas, que ces deux êtres-là ont été brisé par cet assassinat. Chacun après a suivi le chemin qu'il a pu. Mais la tragédie, ben moi, mes parents m'en ont beaucoup parlé. Ça a été ressenti nationalement, en tout cas, je crois internationalement. On peut le dire. Parce que c'est politique et c'est humain. Oui, bien sûr. 1000 jours passés à la Maison Blanche, c'est-à-dire somme toute relativement peu de temps, je dis bien relativement, parce que quand même, et elle a eu le temps d'y faire des choses à la Maison Blanche, Jackie Kennedy. D'abord, elle a changé le décor de la maison, ce qui n'est pas négligeable. Et franchement, c'était très nécessaire. Hein. C'est vrai que au sortir de... Bon, on avait eu des présidences de guerre, une longue présidence de Roosevelt, et évidemment, il avait d'autres préoccupations. Truman, les Eisenhower, qui avaient un peu des goûts de petits bourgeois, j'ai envie de dire... Et honnêtement, la maison était assez décrépite. Et Jackie Kennedy s'est emparé de cette cause avec passion. Refaire de la Maison Blanche, non seulement un centre historique, un musée, mais aussi un lieu pour les arts vivants. Et donc, elle n'a pas fait ça toute seule, mais elle a vraiment dirigé ça. Elle a réuni une équipe d'experts. Elle a fait venir notamment un architecte décorateur français qui avait contribué à la restauration de Versailles. Et elle a essayé de mettre en valeur l'histoire américaine à la Maison Blanche, mais aussi les liens avec la France. Elle a fait fouiller dans les réserves de la Maison Blanche. Vous savez, ces greniers de vieilles maisons, oui, où elle a quand même trouvé un Cézanne, un Fragonard, oui. Qui était là dans la poussière. Et elle a fait restaurer les grands salons de réception dans toute leur gloire, et en faisant rechercher à travers le pays, aussi en faisant faire des répliques, en gros, des meubles historique de la Maison Blanche. Elle avait un rôle, elle aimait beaucoup la peinture, les décors. Oui. On se rappelle l'histoire de la Joconde avec Malraux d'ailleurs. Oui. Hein, puisque... Et c'est vrai que cette fameuse visite, oui, à Paris, elle a rencontré André Malraux, ministre de la Culture, 4 jours après que les deux fils Malraux, oui, d'ailleurs, oui, se soient tués en voiture, donc dans des circonstances particulièrement tragiques. Mais en tout cas, entre eux, le courant est passé. On peut dire qu'ils sont devenus amis, qu'ils ont continué une correspondance pendant pas mal d'années, et qu'au fond, le prêt de la Joconde aux États-Unis a été un peu le prêt d'André Malraux à Jackie Kennedy. J'ai le souvenir de Pierre Cardin qui raconte des soirées à la Maison Blanche avec les Kennedy. Elle a aussi donné, Pierre Salinger racontait ça, bien sûr, à l'infini, elle a donné un côté aussi plus familial, plus accessible à la vie présidentielle. Déjà, elle a beaucoup plus ouvert les visites pour les touristes, hein, qui pouvaient voir davantage cette Maison Blanche tellement glamour à l'époque des Kennedy. Et puis elle a institué des formes de réception qui n'avaient peut-être pas existé depuis le début du 19e siècle, où elle réunissait artistes, écrivains, musiciens, chorégraphes. On la voyait esquisser un pas de danse avec Georges Balanchine. Exemple, oui. Et Kennedy, qui était très très fier de sa femme et de ses initiatives, avait dit un soir: il n'y a jamais eu autant d'esprits brillants réunis à la Maison Blanche, sauf à l'époque où Thomas Jefferson y dînait seul. Est-ce que tout ça suffit à faire un esprit politique, une influence politique? C'est la question que je vais vous poser dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jackie Kennedy depuis 14h sur Europe 1. Nous suivons les pas de cette femme grâce à Nicole Bacharan, votre invitée. Elle est historienne spécialiste des États-Unis. Et ne manquez pas demain soir à 20h45 le documentaire Jackie Kennedy, militante de la première heure, un documentaire que vous allez pouvoir voir sur la chaîne Toute l'Histoire. Et oui, ce documentaire de Maud Guillemin parle du rôle de Jackie Kennedy dans toute l'affaire, dans le combat de Martin Luther King, dont on célèbre par ailleurs le cinquantenaire de la mort. Ça veut dire que c'était une femme engagée politiquement, Nicole Bacharan ? C'était une tête politique. Et c'est vrai que parce qu'elle était très belle, très élégante, et qu'elle s'affichait toujours en femme au foyer très traditionnelle, ma priorité c'est mon mari, mes enfants, on a pu la considérer comme une potiche en quelque sorte. Mais c'était pas du tout le cas. Et elle était très fine politiquement. John Kennedy d'ailleurs avait dit à McNamara, son secrétaire à la défense, qu'il a rapporté plus tard, Jackie a une acuité politique incroyable et personne ne le sait. En quelque sorte. Et c'est vrai qu'elle s'intéressait à la politique. Elle observait dans l'ombre, en quelque sorte. Elle observait, elle étudiait, notamment quand elle accompagnait Kennedy dans ses voyages internationaux en France, à Vienne, où il avait rencontré Nikita Khrushchev. Elle étudiait les dossiers, elle lisait les câbles, c'était des câbles à l'époque, qui venaient des ambassades. Elle a été extrêmement proche de Kennedy au moment de la crise des missiles de Cuba en 62, ce fameux bras de fer où les Américains ont réussi finalement à bloquer l'installation de missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba. Il y a eu 13 jours, où on a vraiment craint la conflagration nucléaire. D'ailleurs, à ce moment-là, Jack Kennedy souhaitait que sa famille aille à la campagne, se mettre à l'abri de manière illusoire. Elle a dit non, si on doit mourir, je veux mourir avec mon mari et mes enfants. Comment est-elle entrée dans ce clan Kennedy, si je puis dire? Elle et sa sœur, Lyra Zivil, hein, on les voyait beaucoup ensemble, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, deux femmes qui se ressemblent beaucoup physiquement, qui ont été beaucoup rivales. On a même dit que Lyra Zivil avait eu, avant Jackie, une liaison avec Aristote Onassis. Mais au-delà de ça, au fond, les deux filles Bouvier, si vous me permettez cette familiarité, Lee et Jackie, se sentaient toujours un petit peu passagères clandestines dans la bonne société. Elles avaient toute l'éducation, toutes les fréquentations qui allaient avec, mais leur situation financière était plus que fragile. Jackie a rencontré Jack alors qu'elle était jeune reporter. Lui, très jeune et très brillant sénateur, elle lui a plu forcément, et je crois que le calcul de sa part, outre l'attirance, c'était que bon, ben maintenant il fallait qu'il se marie pour avoir une vraie carrière politique et pourquoi pas cette jeune ravissante. Et avoir des enfants, on est dans cette idée de clan toujours. Il faut dire qu'elle, elle fumait énormément. Elle fumait 3 paquets par jour. Oui, c'est ça. Bon, à une époque où on ne savait pas que ça pouvait avoir un effet, notamment sur le développement d'une grossesse. Et elle a mené à bien 4 grossesses et on sait qu'elle n'a eu finalement que 2 enfants puisqu'elle a eu un enfant mort-né et un enfant qui est mort à moins de 2 jours. Ça a été pour elle de très, très grosses épreuves. Mais en tout cas, on sait que c'est un ménage qui avait des difficultés. Oui. D'abord, lui était très malade. Il faut quand même très pas malade. Elle a vécu toute sa vie de très jeune femme. Elle a 24 ans quand elle le rencontre, avec un homme qui avait la colonne vertébrale extrêmement abîmée. Donc, c'est des douleurs effroyables. Il passait son temps sur des fauteuils médicalisés, avec des béquilles avant de partir triomphant devant les micros. C'était juste vraiment le décor. Mais la réalité était tout autre. Il avait la maladie d'Addison. Et il était peut-être pas tout à fait fidèle. Et il avait une autre maladie, je crois qu'on peut nommer comme l'addiction sexuelle, ce qui fait que dès qu'il était à peine sur pied, il se précipitait pour la tromper. Elle ne savait pas tout. Elle en savait suffisamment pour serrer les dents, ne rien montrer, et pensant au fond que les hommes étaient comme ça, et que si vous vouliez vivre avec un homme à succès, un homme brillant, eh bien les autres femmes vous le disputaient, et il fallait serrer les dents. Une femme engagée, disions-nous à l'instant, mais pas d'un esprit très très moderne pour ce qui est de la place de la femme, d'une certaine manière. Non, alors elle tenait à être une épouse traditionnelle, elle tenait à être protégée, vous l'avez dit très justement au sujet d'Onassis, qui lui a apporté une protection financière, mais aussi une protection de sécurité. C'est une obsession pour elle. Pourquoi toujours ces hommes très riches, on a l'impression, et c'est un peu le fil conducteur du récit, qu'elle avait constamment besoin de cette sécurité, en quelque sorte. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'Onassis, il y avait l'argent, mais il y avait tout simplement la sécurité. À une époque, la sécurité physique, je veux dire, à une époque où elle voyait bien que les Kennedy étaient des cibles, elle avait peur pour elle, elle avait peur pour ses enfants. Et Onassis, qui n'était pas un homme, on peut le dire aujourd'hui, d'une honnêteté absolument parfaite, je veux dire, il avait beaucoup d'ennemis, il pouvait lui assurer alors un nombre de gardes du corps, vivre dans des îles, enfin, il l'a mise à l'abri. Et être mise à l'abri, c'est vrai que ça semble le fil conducteur de sa vie. Il faut dire aussi qu'elle avait été traumatisée dans son enfance par l'infidélité, le départ du père, qu'il n'avait même pas pu la conduire à l'hôtel le jour du mariage parce qu'il était ivre-mort, et l'assassinat de son mari, l'assassinat de Bob Kennedy. Donc elle avait peur de manquer d'argent et peur de manquer de protection. Oui, c'est une femme qui, d'une certaine manière, aura passé sa vie dans une forme de peur. C'est pas l'image qu'on a, a priori. Et en même temps, de courage. Et de courage. Ça peut aller de pair, on peut le dire. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Merci. Je rappelle le titre d'un de vos nombreux livres, mais celui qui a le plus de rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, c'était chez Perrin en 2016. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Jackie Kennedy. Nous allons maintenant découvrir les hôtels qu'elle fréquentait grâce à Lorena Martin. Moi qui me rends à Avignon la semaine prochaine, je suis très curieux de savoir et d'apprendre que Jackie Kennedy fréquentait l'hôtel de l'Europe. Nous dites-vous, bonjour Lorena. Bonjour Franck. À Avignon, elle s'est rendue en juillet 1993 à l'occasion d'une visite éclair à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, qui était, vous l'avez dit, le berceau de son ancêtre Michel Bouvier. Et elle a choisi de loger 3 jours à Avignon, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de Pont-Saint-Esprit. Dans cet hôtel d'Europe, elle a occupé la chambre 303, qui, vous l'imaginez, est l'une des plus belles suites de l'établissement, qui se situe à 2 pas du Palais des Papes et du célèbre pont d'Avignon. Et il donne sur une place proche du Rhône et du centre-ville. Et on dit que le général Bonaparte lui-même voulait qu'on appelle cette hôtellerie, exactement, c'est ça, l'Hôtel de l'Europe. Exactement, Hôtel d'Europe, puisqu'il était ami avec la propriétaire de l'époque et c'était l'un des premiers hôtes de marque à séjourner dans cet Avignon, hôtel. Avignon, cité papale, cité de la culture et du théâtre aujourd'hui, bien sûr, c'est un lieu où toutes les sommités de la planète ont défilé. Il n'y a pas que Jackie Kennedy. Pas que, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Charles Dickens, Picasso, Dali, Bourville, Charlie Chaplin. La liste est très longue. Alors, un autre hôtel fréquenté par Jackie pour les fans ou les fanatiques là, alors, qui veulent absolument... Alors, ce serait le Claridge à Londres. Chaque fois que Jackie Kennedy au nazisme visitait Londres, c'est cet hôtel 5 étoiles très élégant qui était son lieu préféré. C'est l'un des plus anciens hôtels de Londres. Il est situé dans le quartier de Mayfair, dans le West End, dans la cité de Westminster. Et il faut imaginer une façade en briques rouges, mais à l'intérieur, dès l'entrée, tout est art déco et l'hôtel remonte à 1856. Boiserie à l'origine, cirée, etc. Oui, tout est en bois. Et William et Marianne Claridge sont à la tête de cet hôtel, donc au milieu du 19e siècle, et c'est une maison individuelle, rue Brook, et pour l'agrandir, ils achètent ensuite 5 bâtiments adjacents qui deviendra donc cet hôtel. Et là, de même, un hôtel qui a vu passer toutes les célébrités possibles. Imaginables. Incroyable. Même la reine mère qui y va pour le restaurant. Oui, on lui servait du gin dans une tasse à thé. En Inde également, un hôtel À Jaipur, dans l'état du Rajasthan. C'est le Sujan Rajmahal Palace et c'est au printemps 1962, au mois de mars exactement, que Jackie Kennedy se rend en Inde et au Pakistan. Donc sans Kennedy cette fois, elle choisit de séjourner dans ce palais qui est très opulent, magnifique et qui appartient à la famille royale de Jaipur, qui accueille des fêtes légendaires. C'est vraiment un palais typique de l'architecture indienne. Il faut imaginer tout ce marbre blanc, ces papiers peints exotiques, le mobilier en or et des luminaires assez rétro qui vaut encore le coup et là aussi qui accueillit de nombreuses personnalités internationales. Si ça plaisait à Jackie Kennedy, c'est bon signe, mais si ça vous plaît à vous, c'est un signe excellent. Merci beaucoup Lorena. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et le vendredi, vous nous proposez votre coup de cœur pour le week-end. Pas beaucoup de temps pour ce coup de cœur, mais nous parlions l'autre jour de ce livre sur le STO, vous savez, qui a été primé par la Fondation Stéphane Bern pour l'Histoire. Je tenais absolument à parler de l'ouvrage qui, l'année précédente, a été primé par cette fondation dans le cadre de l'Institut de France. C'était le livre de Khaled Meliti que j'ai trouvé tout simplement passionnant. C'est un livre sur Carthage. Alors moi, j'ai passé une petite partie de ma jeunesse. J'ai visité Carthage, les sites puniques, la fameuse question des vrais sites puniques, du véritable site des ports puniques. Hein. C'était le père Ferron qui menait ces fouilles archéologiques pour les pères blancs. Ça m'a beaucoup parlé et c'est un livre qui est en plus un livre qui a du souffle. Ça manque parfois, vous savez, au livre d'histoire, ces ouvrages qui sont capables de vous emmener dans l'épaisseur de toute une épopée, de vous parler non seulement de Carthage même, mais des grandes puissances qui l'ont influencée et qu'elle a influencée, qui vous parle de cette culture si particulière et de cette puissance qu'on a aujourd'hui un peu tendance à oublier. Ça fait pas de mal non plus de parler de la Tunisie lorsqu'elle était si puissante et si glorieuse. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.